En Crète, Télémaque se distingue si bien au concours athlétique et au concours de sagesse, où il condamne le despotisme et l'esprit belliqueux, que les Crétois veulent le prendre pour roi. Mais, toujours désireux de retrouver son père, Télémaque s'est rembarqué et il arrive avec Mentor en Hespérie, dans le port de Salande. Ils y sont accueillis par son roi, Idoménée, chassé de Crète pour son despotisme. Toute la deuxième partie du roman, les aventures de Télémaque, se déroule autour de Salande. Au cours d'épisodes inspirés des épopées antiques, Télémaque fait son apprentissage de chef militaire. Il se distingue par ses exploits et même force la victoire. Mais il apprend aussi à dominer ses impulsions violentes, à se montrer chevaleresque, à n'offrir que des conditions de paix équitables. L'amour de la paix, telle est en effet la leçon de ses aventures guerrières. Quant à Mentor, resté à Salande, il expose à Idoménée, jusque-là égaré par des flatteurs, les réformes qui assureront le bonheur et la prospérité de son peuple. Aussi, quand Télémaque revient à Salande, écoutera-t-il avec attention les leçons de Mentor. Le métier de roi. Télémaque regardait de tous côtés avec étonnement et disait à Mentor, « Voici un changement dont je ne comprends pas bien la raison. Est-il arrivé quelque calamité à Salande pendant mon absence? D'où vient qu'on n'y remarque plus cette magnificence qui éclatait partout avant mon départ? Je ne vois plus ni or, ni argent, ni pierres précieuses. Les habits sont simples, les bâtiments qu'on fait sont moins vastes et moins ornés. Les arts languissent, la ville est devenue une solitude. »